dans l'épisode précédent. Déçu de s'être fait arnaquer en achetant un cheval de course boiteux, Victor décide de se venger en empoisonnant les chevaux de ses concurrents. Marc a soigneusement donné de la mort au rat à tous les purs sangs de Roy Pembrick. C'est très bien joué. Il s'offre le luxe de narguer son adversaire direct, Roy Pembrick. Alors Roy, confiant ? Tellement confiant que pour cette course, j'ai parié ma Ferrari ! Avec du poison en guise d'avoine, la victoire est éclatante. Et c'est la grosse surprise ici, car il franchit la ligne d'arrivée en tête ! Voici le 9e épisode de votre série Demon Vegas, épisode intitulé « Le château de mon père ». Ah, je revis. Il n'y a pas à dire, rien de mieux que quelques dollars pour se refaire une santé. Avec une cote désastreuse, notre victoire au tiercé fait pleuvoir sur la famille les millions tellement attendus. Justement, papa, maintenant que nous sommes riches, serait-il possible que l'on rachète mes organes ? C'est que ça devient dur à vivre. Je me rine sur les pieds, je m'évanouis constamment. Ça, c'est Jérémiade. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Je dois d'abord faire construire une demeure digne de nous. L'âme est tout, Marc. Le corps n'est rien. Oui, mais pour l'instant, c'est surtout le corps que je sens. Il suffit. Je dois appeler l'entreprise de bâtiment. Entreprise de construction, le palais à portée de main, j'écoute. Bonjour. Je veux faire l'acquisition d'un palais de 1350 mètres carrés sur une hauteur de 3 étages. Tout en marbre du Piémont. Ah oui, vous avez appelé il y a une semaine le nouveau milliardaire. Oui, c'est ça. J'ai parlé de vous à mon patron, ça l'a fait beaucoup rire. Un parvenu qui tente de se faire un nom au pays du roi de l'art, il a décidé de vous offrir les toilettes en or massif. C'est très généreux de sa part. Écoutez, j'aimerais être livré au plus vite. Très bien, je vous envoie un architecte. Monsieur comment ? Cardo, Victor Cardo. Vous apprendrez à connaître son nom, ma petite. Je n'en doute pas. Bon, les enfants, les travaux vont pouvoir débuter. Pendant que je m'en occupe, Paul, tu vas soigner ton frère. Oh mais je préfère t'aider. Tais-toi, et j'espère que tu t'occuperas mieux de lui que de notre argent. Paul, viens m'aider, Paul. Je crois que les merguez du déjeuner ne passent pas. Tu es une enclume dans ma vie, Marc. Une enclume avec des nausées. Il est vraiment temps que nous ayons un toit et des murs. À force de dormir sous une tente, c'est toute la famille qui va mal. Et ce maudit rhume, les rosées matinales ne font que l'amplifier. Le lendemain matin, sur les hauteurs de la ville... Monsieur Cardo. Oui, je suis là. Très joli tentiglou. Une Hugo Boss, il me semble. Oui, je l'ai acheté dans les faubourgs de Vegas. Mais qui êtes-vous ? Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Je me nomme Vincenzo Corleone. Je suis votre architecte. Ah, très bien. Nous allons enfin pouvoir sanctifier notre nom par l'érection d'un palais. Voilà, j'ai ramené plusieurs plans de demeure qui pourraient vous convenir. Et si nous les... Tut, mon garçon. Quelle école avez-vous fait ? Columbus, monsieur. La meilleure école d'architecture des États-Unis. Justement, tu n'as pas l'instinct d'un homme comme moi qui a grandi sur les hauteurs de la Sicile, dans la ville de Cardo. Tu n'as pas vu les splendeurs de la nature qui amènent l'imagination à savoir penser plus loin qu'un simple petit palais de banlieue, comme le ferait un petit architecte de Columbus. C'est vous qui payez, monsieur. C'est vrai. C'est pourquoi j'ai noté plusieurs petites idées. Pour le reste, je vous fais confiance. Je vous écoute. Tout d'abord, je veux qu'il y ait 3 chambres. Je pense que mes enfants sont en âge d'avoir un peu d'intimité. Je note, 3 chambres. Je veux un jardin à la française, avec des palmiers et une statue à notre gloire. Dominant la baie de Demon Vegas. Une statue en or massif. Très bien, les travaux d'installation commenceront demain. Et s'il n'y a pas de problème, votre palais vous sera livré sous 4 jours. C'est la garantie palais en main. Parfait, nous allons enfin avoir une base pour nos projets. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur ? La tente empèse dans ses moindres recoins. Je crois que j'ai une fuite, Paul. Tu peux venir nettoyer ? Je suis relégué à un simple homme de ménage. Je ne sais pas si ma dignité pourra s'en remettre. Et puis tu pourrais te retenir. Tu oublies que je n'ai qu'un rein. Si tu veux, tu peux me donner un des tiens. Sans façon. Moi, j'ai des organes de luxe. Et je ne les brade pas au premier docteur venu pour 3 dollars ici sous... Je me suis vidé en 4 pour notre famille. Et toi, tu ne ferais rien pour moi. Tu m'as toujours détesté. Il n'y a rien que je déteste plus que les plaintes, pleurs et autres émanations humides qui découlent de ta personne.